Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères 49, 52 ou l'oubli? 49. Ok. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Musique de l'angoisse. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 35, nous allons vous parler du film Oblivion, en français Oblivion, et en titre québécois, L'Oubli. Ah mince. Film sorti en 2013, réalisé par Joseph Kosinski, où Tom Cruise joue le rôle de Jack Harper. Encore un Jack. Encore un Jack, et oui. Et oui. Serena, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va. Est-ce que t'avais déjà vu le film? Eh non, non. Du coup, t'étais trop contente de te dire, ouais, allez. Ouais, je me suis dit, science-fiction, bizarre. Bizarre, je n'ai pas entendu parler de ce film, ouais. Ça sent pas du tout là, ça le gros échec. Mais bon, et toi? Et moi, je l'avais déjà vu. Ah. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que je n'en avais plus aucun souvenir de ce film. Ah ouais? Genre zéro. Ah vaguement ouais. Qu'il était tout seul sur une planète. Mais et pas savoir laquelle. Et du coup, et même en le revoyant, ça me revenait pas. Ah ouais, même pas ouais. Le. Non. Ah. Et donc, voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais le revoir, oui, ça va être bien. Ouais. On verra quoi. On verra. Sans plus. Allez, bah, du coup, on se fait un petit résumé. Ouais. Résumé assez simple. Tom Cruise doit nettoyer une planète. En gros, c'est l'homme d'entretien, c'est, tu vois. Oui, c'est, vrai, fait c'est le l'aide au ménage. C'est l'aide ménage. L'aide ménage. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, attention, je vais tout spoiler. Oui. Et là, pour le coup, il y a pas mal de choses à spoiler. Oui, c'est ça. Alors, c'est un film à twist, comme on dit. Donc, si vous voulez le voir, voyez-le. Voyez-le. Voilà. Et vous revenez après. Sinon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus. Voilà. Sinon, voilà. Ça vous évite de le voir. Voilà. Parce que nous commençons les films avec des images en noir et blanc. Un peu tourné à la Frère Lumière, mais mal fait, tu vois, qui bougeote. Et on entend une voix off, que c'est la voix de Tom. On voit Tom à New York, dans ses images en noir et blanc. Et il dit, c'était la Terre avant la guerre. C'était New York avant ma naissance. Je vois cette fille dans la foule. Je ne te connais pas, mais en même temps, je te connais. Et je rêve. J'ai l'impression que c'est un souvenir. Il se réveille. Il n'est pas du tout à New York. C'est dans une pièce blanche futuriste. Toute vitrée. Les clichés du, futurisme. C'est un grand loft avec que des baies vitrées partout. Pas d'objets inutiles. Ah non, tout est clean, minimaliste. 14 mars 2077. Oula, ça ne rajeunit pas ça. Non. Il se réveille. Et encore, on entend la voix off qui raconte à peu près tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment. Il se réveille, c'est 5 ans depuis l'effacement de la mémoire obligatoire. Donc, il n'a pas de mémoire de son passé. Ses rêves le hantent, de cette fille qu'il voit tout le temps. Il est en binôme avec Victoria qui dort dans son lit. Donc, on imagine qu'ils couchent ensemble. C'est un binôme. Ouais, plus. Ouais. Et ils sont en mission. Et cette mission s'arrête dans 14 jours. Victoria est trop contente, comme ça elle peut partir en fin de là, et Tom Cruise pas trop. Il dit qu'en fait il y a plus d'un demi-siècle, des chacals, donc des aliens nommés chacals, voulaient envahir la Terre, donc ils ont détruit la Lune. Première attaque, chaos, tremblement de terre, tsunami, etc. etc. Puis ils ont essayé une invasion. Les humains, bien sûr, ils ont utilisé les nucléaires. Ils ont gagné la guerre, mais ils ont perdu la planète. Mal. Tous les hommes sont partis. Oui. Sur Titane, la lune plus grosse de Saturne, je crois, oui, c'est tout comme ça. Je crois que c'est ça. Et sauf lui et Victoria, nommée Vika, qui reste sur la planète. Parce que les humains, ils ont construit le TET, T-O-T, un centre de contrôle des missions. C'est une espèce d'énorme pyramide à l'inverse, suspendue dans le ciel, qu'on voit. Un tétraède. Tétraède, voilà. Mais à l'inverse. Oui, mais non, enfin, un tétraèdre, ça n'a pas de sens. Ah oui, pardon. C'est juste qu'il a, quatre côtés. Trois côtés. Ah, parce que la pyramide, elle en a trois. Non, la pyramide, elle en a quatre. Alors, c'est une pyramide à l'inverse. Bon, bah, j'étais nul un jour. Ouais, on n'est pas bon. En tout cas, c'est une station spatiale temporelle qui, en fait, avec qui eux, ils sont en contact par une interface, disons, un écran tactile, où il y a Sally, une fille qui leur dit quoi faire. Donc, c'est leur supérieur. Voilà, c'est leur supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, sur la Terre, oui, plein de radiation? Il y a les hydro, c'est des énormes cubes qui pompent l'eau, qui prennent toute l'eau de la planète Terre pour l'envoyer, et pour faire de l'énergie pour Saturne, pour les humains. Oui, ils doivent la nettoyer pour envoyer de l'eau sur Saturne. Et il y a des drones, donc des espèces d'énormes sphères. Oh, c'est beaucoup de géométrie dans cet épisode. Ah ça, je pense que le réalisateur est un peu maniaque sur ça. Sphères qui contrôlent la planète. Mais en fait, ces sphères et ces pompes hydro se font toujours saboter par certains chacals qui sont restés sur la planète, oui, et qui veulent, on ne sait pas pourquoi, et ça font le sabotage. Bah, et donc, c'est vrai. Tom Cruise est le réparateur, les techniciens, Jack Harper, technicien 49, et Vika, c'est son agent de liaison. Je sais pas comment. Oui, mais il y avait un terme que je trouve plus. Bon ben, elle fait les liens entre. Oui, elle reste à la base, disons, à la maison, et elle fait les liens entre Sally Duthet et Tom Cruise. Elle donne les missions et elle le suit avec les caméras et tout ça. Donc, Tom Cruise raconte tout ça en voix off. Il dit, les drones surveillent tout. Vika veut partir, moi non, la Terre est ma maison. Boum, Oblivion. On voit que c'est leur maison suspendue dans les nuages. Jack Harper, du coup, Tom Cruise qui prend le Tecopter, donc un hélicoptère technologique. Une espèce de libellule. Et il commence à faire ça tous les matins. Il fait sa tournée. Ils ont perdu deux drones qui sont déjà un peu partis. Les 166 et les 137. Ça semble des numéros pif. Ça l'est. Mais c'est pour dire, il y a plein de numéros partout, tout le temps. Oui, tout le temps. Bon, il retrouve les 166, il le répare, il est trop fort, on comprend qu'il gère tout. Et oui, on voit qu'il est un peu fasciné par la culture des humains d'avant. C'est là où il le répare avec un chewing-gum ? Ouais, il le répare avec un chewing-gum, il met sa casquette de baseball, il est dans les stades du Super Bowl, donc il raconte « Ah, on m'a parlé du Super Bowl où l'équipe a gagné ». D'ailleurs, choix pas très courageux, ils n'ont même pas dit que l'équipe, pour pas... Oui, bah, non, il ne faut pas dire. Parce que si ça ne marche pas... Les drones prennent vie, ils le scannent et disent « Jack Harper, technicien 49, super, ok ». Bon, et il était presque prêt à buter un chien. Tu fais super bien le robot. Ouais, t'as vu. C'est bluffant. Mais les 137, il n'est pas là. Ah. Et par les ciels, ils ne peuvent pas le voir. Donc, il prend une super moto. La moto dépliante. Ouais, oui, pliable. Très jolie, je dois dire. Oui. J'aime bien, beau détail. Et il commence à aller en moto sur les Landes pour trouver. Ah, puis il s'éclate, il adore ces grands espaces. Il voit un trou dans le sol avec des dessins chelous, des incisions dans le truc. Il regarde dedans. Oh, les drones, les signals, il est là dedans. Donc il descend, il se retrouve dans une ancienne bibliothèque. Il y a un livre par terre. Il le regarde, il le met dans sa poche parce qu'il est fasciné par la culture des humains, soulignons-le, oui, une deuxième fois. Et il y a tout un bagarre, il y a les chacals, on les voit, des gens avec des masques bizarres et des jumelles chelous. Donc il s'est fait attaquer, il a failli se faire attraper. Il s'échappe et en fait, il n'y avait pas des drones. C'était juste un émetteur. Il n'y a pas le drone. Donc il arrive quand même à remonter, il n'y a plus de moto, merde. On rentre à pied. Il rentre, puis il rentre à la maison. Il amène avec une petite plante qu'il a trouvée. Qu'il a fait, trop mignon. Qu'il a mis dans une boîte, dans une canette. On dirait Wally. Oui, c'est vrai, un peu Wally. Il lui donne, Vika la prend et elle la jette par la fenêtre. Parce qu'il dit, non, mais c'est des radiations, t'es ouf, il faut qu'on ne se fasse surtout pas... Il ne faut pas être contaminé. Contaminé, parce que sinon, on ne part plus et sur oui. Titane. On va rester ici comme des cons. Il est triste. Ils couchent ensemble et vont dormir. Pain, pain, pain, oh. Alerte, alerte. Waouh, j'étais surpris. C'est toi qui imitais l'alarme. Là, je vois que tu t'es endormi un peu. Une plateforme hydro a été attaquée. Les cœurs ont fusionné hors service. Allez, il faut que tu ailles, Jack. Ok. J'y vais, il y va, il faut aller où ? Secteur 17. Oh, le secteur 17, mais il n'y a rien dans le secteur 17. Oui, vas-y, il y va. Prends son hélicoptère et on voit qu'il survole une zone qui est nommée zone de radiation, donc attention. Et il se glisse légèrement dans le secteur 17, Vika perd son signal et on le retrouve dans une maison idyllique. C'est là où il dit j'ai rien trouvé. Je fais un petit tour. Et il se pose, il se met ses habits de humain. Il est dans une maison, une belle cabane dans les bois, à côté d'un lac. Il s'est construit une cabane, on dirait. Ouais, c'est ça, par du lac, encaissé dans les montagnes, c'est magnifique. Il a des vinyles, il a de tout. Il a des livres. Et toutes les reliques qu'il a trouvées du passé. Voilà. Il fait une sieste au bord du lac. Ah, il joue au basket, c'est oui, marrant. Oui, c'est vrai. Il fait une sieste au bord du lac et là, il voit un énorme truc qui tombe dans le ciel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Il s'échange, il part et il va voir. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sarcophages. Mais c'est un vaisseau spatial qui est tombé, qui s'est écrasé. Mais à l'intérieur, il y avait des espèces de sarcophages du futur où on voit des visages de personnes. C'est des humains, c'est pas des aliens. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est des humains qui sont tombés de l'espace. Oui, et surtout, en regardant les différents humains, voit ? Je sais pas. On voit J. Rusakova, la femme des rêves. La femme qu'il y a dans ses rêves, mais c'est fou. Mais elle est là, donc elle existe. Attends, elle existe. Bon, il la défend avec tout son corps parce que les drones, il veut la tuer. Parce que les drones sont envoyés. Lui, il ne devait pas être là. Il a quand même décidé d'y aller pour checker. Les drones, il le reconnaît, mais il veut le buter parce qu'il doit buter ils veulent, Julia. Il bute tous les sarcophages, du coup. Ouais, tous. C'est chelou. Ouais, c'est chelou. Sauf elle, du coup, lui, il arrive à se mettre devant et dit « Ah, technicien 49, ok. » Donc, il se casse. Et lui, il ramène la Rusakova à la maison. Vika n'est pas contente du tout. Non. Attends, déjà une plante, maintenant une meuf, ça va quoi. Ça va pas la tête ou quoi. Donc, en plus, il a pourri tout le parquet en laissant traîner le sarcophage, ça va quoi. C'est vrai. Il la réveille, elle commence à vomir parce que du coup, on comprend qu'elle était mise à un sommeil delta, donc un truc. Elle est restée endormie pendant 60 ans. Des trucs de science-fiction classiques. Et elle dit comment tu t'appelles ? Elle dit je m'appelle Julia, je dois récupérer la boîte noire de mon vaisseau. Du vaisseau. Donc, et Vika lui dit ça, mais il est en 60. Ces trucs-là, ils datent d'il y a 60 ans. Maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu la guerre, les chacals, les machins, les bidules. Elle dit non, mais je dois vraiment récupérer cette boîte noire. Donc, Tom Cruise, qui est quand même un peu... Curieux, part avec elle chercher la boîte noire dans la nuit. Alors qu'il ne faudrait surtout pas la faire. Pas sortir la nuit. Parce que la nuit, ils n'ont plus le contact avec le tête. Le tête. Et ça, c'est grave. A priori, si tu n'as pas le contact, c'est pas bien. Pas contente. Ah, Vika a dit non. Vika a dit non, non, non. Ah, ça, elle est intransigeante sur ça. C'est non, non, non, non. Non, non, non. Donc, bon, ils se font capturer. C'est qui les capture ? Il y a les chefs des chacals. Mais ce n'est pas un chacal, c'est un homme. C'est même Morgan Freeman, j'ai l'impression. C'est quel homme ? C'est marrant, ça. C'est Morgan Freeman qui lui dit « Mais on n'est pas des aliens, on est des humains. Nos armures nous rendent indétectables. C'est pour ça que vous croyez qu'on est des aliens. » Ça, c'est Sergeant Sykes. Et c'est qui ? C'est Lannister. Ah oui, messieurs, c'est Jamie Lannister. Jamie Lannister qui arrive avec sa belle couette. Enfin, c'est Nicolas Walter... Je vais retrouver. Nicolas Coster-Waldo. Waldo, voilà. Et donc, il dit, on t'a pris ici parce que tu es les techniciens. Nous, on a capturé les drones, donc les fameux 137 qu'ils n'ont pas retrouvés. Et... on a construit une bombe avec des piles. C'est pour ça qu'ils faisaient les sabotages des drones, pour récupérer les piles. Des piles atomiques ou je sais pas. Des piles atomiques, je sais pas, plutonium. Et tu dois, on le met à l'intérieur du drone et tu dois le programmer pour le ramener aux têtes parce que c'est eux les méchants. En fait, oui. C'est eux les envahisseurs. Nous, on est les bons, nous, on est les humains et eux, c'est les aliens. Les têtes, en fait, c'est pas ce que tu crois. C'est l'inverse, en fait. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils le disent là, comment ça se fait que les têtes, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Je ne sais plus. Ça doit, si, je bon. Crois que c'est vers ce moment-là où ils expliquent non, justement. Non, pardon, c'est Julia qui lui dit après. Pardon, ah, petit oui. détail. Tom Cruise est là, non, je ne sais pas. Morgan Freeman, il lui dit, bon d'accord, j'ai vu que tu allais à la zone interdite, vas-y, tu trouveras ta réponse. Bon, oui. Il part avec Julia, il lui redonne la moto, parce qu'entre-temps, c'était où qu'il avait voulu. La zone interdite, c'est là où c'est censé être irradié, ouais. Et où il ne faut surtout pas aller. Voilà. Et où, entre autres, à côté, il y a sa maison sur les lacs, autour du lac. C'est avant cette zone-là. C'est juste à côté. Mais oui. Bon, Julia et Tom Cruise vont à l'Empire State Building, donc, qui est détruit, fossé, voilà. Parce que Tom Cruise doit envoyer un signal à Vika. Bon, en tout cas, là, con. Mais Julia, c'est le moment où on lui dit, mais tu te rappelles de ces lieux en fait, attends, c'était quoi c'est le truc qu'on voit dans les rêves aussi, dans ses rêves. Non, mais ça, c'est les rêves, mais c'est pas encore là. Il lui dit, en gros, qu'elle était partie en mission... en sommeil, là. Pourquoi elle était en sommeil ? Parce qu'elle était partie en mission, parce qu'on avait détecté un objet alien dans le ciel. Et elle fait partie de l'armée, j'imagine. Oui, et NASA armée. Enfin. Oui, NASA, parce que c'était dans l'espace. Donc, astronaute, officier, un truc comme ça. Et ils étaient partis pour indaguer sur cet objet dans le ciel que maintenant, eux, ils appellent les têtes. Oui. Donc c'est ça l'objet alien, c'est pas des humains, c'est des méchants. Donc ça lie méfiance. Chelou. Ils nous ont mis un sommeil delta pour arriver jusqu'à là-bas vivant, parce que c'est quand même un long voyage. Un peu loin. Ils savaient qu'ils allaient réveiller en premier toi et Vika. Donc Vika et Jack sont des collègues de Julia et ils étaient tous dans la même navette. Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, mais comment, les têtes, c'est un objet alien? Mais c'est qui, toi? T'es qui, toi? Elle dit, je suis ta femme. Ah, tu te rappelles? C'est ici, c'est l'Empire State Building. Tu m'as montré ta bague et tu m'as demandé un mariage. On était heureux. Non, les souvenirs, j'ai écrit. Parce que là, tu vois toute la scène, blablabla. Vika, entre-temps, regarde sur le contrôle, parce qu'il le cherche sur ses caméras et il voit qu'ils sont pas en train de s'embrasser, mais presque. Elle pleure. Il rentre à la maison, Tom, il doit absolument lui parler. Vika, elle n'est pas du tout contente. Elle dit, on n'est plus une bonne... En bonne entente. Et en gros, il le dénonce à Sally. Donc, ça va foutre un peu la merde, ça. Ouais, ça va foutre la merde. Julie et Tom arrivent à se sauver. Vika est tuée par les drones. Oui. Direct. Sally dit Jack Harper, on veut que tu reviennes aux têtes avec la survivante. Donc, parce que ça, dès que Sally est au courant, elle envoie les drones et bim, voilà. Boum. Ils arrivent à s'échapper. Ils arrivent, ils courent, il y a trois drones derrière, ils tombent, ils se retrouvent au milieu du désert de la zone radioactive. Tom Cruise, il monte sur une dune, il y a un autre homme en bas, il descend en bas, il se retrouve face à face avec l'homme, et c'est qui l'homme ? C'est Tom Cruise ! C'est Tom Cruise aussi, Tom Cruise contre Tom Cruise ! Tom Cruise contre Tom Cruise, mais il y a écrit sur son truc, Tech 52, et on commence à comprendre. Tu te dis, donc d'accord, 49, 52, il y en a un paquet. Donc, il est complètement ouf, il l'emprisonne, il prend le truc du 59, donc il peut s'échapper avec l'avion du Tech 59, parce qu'ils ont les mêmes... 52, pardon. Ils ont les mêmes DNA, ADN. Et il revient. Bon, il retourne à la maison, il voit que Vika est là et qu'elle est vivante, oui, donc il y a un autre clone. C'est ça, c'est la maison, mais de l'autre secteur, en fait. Oui, donc il y a un autre clone De Vika aussi. Vika. Donc, il lui dit, vas-y, on s'échappe, elle ne veut pas. Bref, Il revient au refuge des faux chacals, des humains. Morgan Freeman dit « Ah, je suis content que tu sois revenu. Tu mets la bombe, il va programmer la bombe, tout va bien. Ils sont en train de sortir et là, des drones arrivent. Bagarre. Il tue tout le monde et détruit les drones. Merde, fait chier. Ils n'ont plus de drones à envoyer pour détruire le tête. Comment on envoie la bombe ? Morgan Freeman, il est un peu mal parce qu'il a combattu, il est un peu mal. Il dit « J'aurais tellement voulu voir ça, les têtes qui explosent. » Et donc, ils se disent peut-être qu'on peut, je peux le faire. Je peux amener la bombe parce que Céline m'avait dit de revenir et oui. à la base et je peux y aller avec la bombe. Donc Julia dit, ouais, je viens avec toi. Ils mettent la bombe dans le sarcophage de Julia. Ils endorment Julia en sommeil. Oui, c'est l'excuse. Delta. C'est Jack qui ramène Julia aux têtes comme demandé. Ouais, un vrai cheval des Trois. Tout à fait. Ouais. Donc ils arrivent, ils sont checkés. Ils arrivent à passer les contrôles. Donc, il va pour ouvrir les sarcophages, mais ce n'est pas Julia qui avait dans les sarcophages. C'est Morgan Freeman. C'est ouf. Il se fait un petit plaisir, une petite mission suicide. Avec Tom Cruise, fait exploser les têtes. Sachant que c'est juste avant cette scène-là où il y a le flashback de la navette. Ah oui, pardon. Oui, ça explique un peu. Ouais, le flashback de la navette, pardon, petit détail. Tom Cruise, commandant de astronaute commandant de la navette. Vikas, c'était son copilote. Tous les autres, ils ont dormi dans le truc. Ils voient les têtes. Donc, tout ça, c'est parce qu'il écoute, en allant vers le tête, il écoute la boîte noire, résultat de la boîte noire. Et en fait, ils vont vers l'objet alien. Et Tom Cruise, il s'est dit, non mais attends, d'abord, je décharge les corps endormis, parce qu'on ne sait jamais. Et oui, parce qu'ils sont attirés par le tête, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Du coup, ils les lâchent pour sauver... Ils déchargent et rentrent... lui et Vika rentrent dans les têtes. Et d'ailleurs, quand il arrive dans les têtes, avant de faire tout exploser, il voit des milliers de Tom Cruise et des milliers de Vika tout clonés. Oui. Donc on commence à comprendre que le plan, c'est que le tête, en fait, ils ont envahi la Terre et ils ont essayé de tuer tout le monde et ils ont pris deux personnes humaines, ils ont cloné et ils ont dispatché dans plein de secteurs en faisant croire que tout allait bien. Pour pomper les ressources, pomper les ressources pour leur planète à eux. Et voilà. Et en fait, ils font ça sur pas mal des planètes, un truc comme ça. Vraiment, c'est pas... Voilà, ça sort. Donc ils font exploser la bombe. Morgan Freeman et Tom Cruise, on voit flash forward Julia qui se réveille dans le petit chalet au bord du lac. Elle voit exploser le tête, donc elle comprend que Tom est mort et elle comprend qu'il lui a sauvé la vie surtout. Et quelques temps plus tard, on la voit avec une gamine. Oui, trois ans après, et on entend une voix off de Tom Cruise qui dit, mais tu as pensé à moi autant que j'ai pensé à toi. J'ai hanté tes rêves comme tu as hanté les miens. Je te cherche depuis tellement longtemps. Et on voit arriver des hommes au chalet. Au chalet de Julia. Oui, un petit chalet de Julia. Donc on voit Sky Lannister, Lannister qui arrive avec plein de hommes et qui est derrière eux. Tom Cruise. Eh oui. Mais l'agent, c'est pas 50, les 49, c'est le 52 c'est a priori. Les 52 qui dit « Je savais que j'avais construit une maison, j'ai mis tant d'années pour enfin la retrouver, mais je me rappelle de toi, je me souviens de toi, parce que c'est moi, Jack Harper. » Eh oui. Fin du film. Magnifique. Magnifique. Voilà, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Je pense, je sais pas. Ouais, bon. Bon, après, voilà, c'est une espèce de pot pourri de tout un tas de films de science-fiction que vous avez déjà vus. Oui. En gros. Avec les petits switches, quand même, les petits surprises des clones. Oui, oui. Bon, que moi, je m'attendais pas trop. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, on se fait un petit extrait. On fait une petite scène rapide de la petite bagarre dans la bibliothèque quand Jack tombe, enfin va chercher le drone, oui. Et qu'il ne le trouve pas. Et dans les trous au sol. Dans les trous au sol. Il a un super fusil lampe, très pratique. Un fusil lampe. Qui éclaire. Et là, il trouve une grosse sphère. C'est un globe. C'est un globe. C'est la bibliothèque. Il y a un signal. Chut. La machine aussi. Un piège. Non, lui prendre un parmi au sol. Il est tiré par les uns de Il a réussi à se débarrasser de c'est pas sur quoi il tire, il est dans le noir en même temps, c'est pas évident. Et on voit juste des lumières oranges qui étaient un peu le symbole de chacal. Ouais, il est dans le tibouille, il voit des trucs crampés, tout ça. Alors, les humains bougent comme ça, je vois pas. Bah, ici, à Corby. Ouais. Là, il tombe dans un. Non, il tire un corps. Il tire, et là, il veut remonter à la surface, donc il doit jeter par-dessus. Ça va, on s'est rattrapé le dernier second. Il arrive à remonter avec toutes ses forces. Il est malin pour moi. Il remonte à la tyrolienne. Et non. Coupé. La tyrolienne se casse. Et là, il tombe au ralenti. Belle chute. Ça va faire mal. Super belle chute. Ah. Et il tombe dans les cratères. Merde. Oui, merde. Ça, c'est pas loin. Plus de fusil, plus moyen de remonter. Ça sent l'échec. Ouais, là, c'est les moments dans la vie où tu dis, moi, je laisse tomber. Tu vois, non, mais c'est bon. Là, j'ai tout donné. Bah, en plus, après, quand il remonte, il n'y a plus la moto. Ouais, y a plus... c'est chiant. Et non, lui, il continue. Quoi. Il bat il a une mission, il est là pour ça. Ouais. Alors, Oblivion. Est-ce qu'on a un avis sur Oblivion? Alors, vas-y, Paulin, vas-y. Ce que je te disais, moi, je l'avais déjà vu, j'avais tout oublié. Je pense que maintenant, après l'avoir revu, je sais pourquoi. Parce que c'est pas maxi original, en fait. C'est un mélange de plein de trucs de SF qui se faisaient dans les années 70, fin 80, tout ça. C'est, je pense, des trucs que t'as un mélange de la planète des singes avec le truc cryogénisé où t'es sur une planète, mais tu sais pas qu'en fait, c'est ta planète. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Bon, il mélange avec le truc des clones. C'est un peu tout est un peu emberlificoté tout ça pour finalement quelque chose qui je sais pas. Moi j'avoue que la première moitié du film, j'étais plutôt à me dire pourquoi pas, parce qu'il y a un traitement, il y a une mise en scène quand même qui est assez singulière, on va dire. Ah ouais, moi j'ai détesté la première partie. Ah, t'as des beaux plans et c'est très nature, c'est tout est en plein jour, oui, tu vois, par rapport à plein de films de science-fiction qui sont souvent sombres. Là, tu dis, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, allons-y. Et puis après, là, c'est guerre, boum boum, drone. Ah, ouais. Non, en fait, c'était des humains, les chacals. Là, on l'avait pas vu venir, ça. Les mecs, ils sont avec leurs jumelles, on voit très bien qu'ils ont des gants et qu'en fait, c'est des humains, ils ont des doigts. Enfin, ça paraissait assez évident. Tu vois, un peu beaucoup les choses arriver. Oui, carrément. Donc, j'ai pas grand chose. Je sens que cet épisode va être très court parce que j'ai pas grand chose à dire. J'ai envie de dire un truc par rapport. Parce que moi, j'ai détesté dans la première partie. Tous les flashbacks et avec c'est nul, Julia, pauvre personnage complètement inutile. Carrément. Et j'espérais un peu au fond de moi qu'il a ses souvenirs de cette femme, mais qu'en fait elle n'était pas du tout un souvenir amoureux, mais c'était un souvenir qui était peut-être sa collègue, que du coup il devait la retrouver pour retrouver la vérité, j'en sais rien, tu vois, j'espérais un peu qu'il y ait pas d'histoire d'amour, mais... que c'était pas une histoire d'amour. Je me suis dit peut-être il joue sur l'effet que c'est tellement cliché les souvenirs d'amour qu'après paf il est pas, on n'est pas sur un film où on est sur de la subtilité, quoi. C'est non. Hollywood à fond, quoi, les clichés d'Hollywood à c'est fond clair. Non, oui, c'est ça, les flashbacks. Quoi. Non, moi, j'aimais bien, c'était juste le principe de se dire, ils sont seuls sur une immense planète et avec cette espèce d'esthétique très épurée et tout. Je me dis, pourquoi pas, allons voir où ça mène. Mais effectivement, le film, à peine, il démarre au bout de 5 minutes. Tu te dis, il va se passer ça. En fait, ceux qui sont le tête, tu te dis, en fait, c'est eux les méchants. Enfin, rapidement, tu désamorces tout très, très, très, très vite. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est un peu le piège du film de science-fiction qui n'a pas grand-chose de nouveau à raconter. Quoi. Quand on a déjà vu plusieurs, je pense que t'es un peu coincé. Après, moi, je remercie beaucoup cette production de ne pas avoir de pas avoir montré les aliens. Oui. Je trouve que ça, c'est assez réussi, qu'ils arrivent et qu'ils font cette espèce de figure. Ouais, mais ça, c'est pareil. Enfin, c'est un peu, le gros cube avec la lumière rouge, quand même, parce que le méchant, c'est un cube avec une lumière rouge, genre 2001, c'est de l'espace, quoi, les gars. C'est vrai. C'est un peu obvious. Les clones, ils sont tous dans des espèces de cocons, c'est Matrix. Enfin, vraiment, je pense que t'as à chaque plan, tu dis, ça, c'est tel film. Ah, ça, c'est tel film. Tous les chacals, c'est Mad Max. Enfin, c'est vraiment que ça. Ah oui, ben voilà, je me suis dit un peu la même chose sur les Mad Max, mais version cheap à mourir, quoi. Trop chiant. Et là, tout le long, tu fais ça. Je me dis, putain, merde. C'est vrai. T'es un peu, on est quand même pas loin de Battlefield Earth. Enfin, c'est vraiment. J'ai dit ça, je dis rien. Mais... Ouais, bon, après, si, il y a un peu plus de mise en scène quand même. Il y a des trucs qui sont. Mais ouais, ça fait vraiment. Ouais. Bah, voilà quoi. On a un peu plus grand chose à dire, quoi. Bah, Julia, vraiment, elle ça a rien. Genre, elle a zéro pouvoir d'action sur le monde qui l'entoure. Mais Vika, c'est encore pire. Vika, vraiment... Bah, après, le personnage de Vika est intéressant parce qu'il est en contrepoint de Jack Harper, où Jack, il est intrigué par ce qui est resté. Et Vika, elle est sur plus un truc de survie, de dire, bah, moi, je veux partir, quoi. Oui, mais que elle deux fonctionnent comme ça. À la fin, elle le dénonce par jalousie. Oui, alors après, que c'est trop gros, tu vois. Non, mais c'est ça qui est nul. Mais ça, c'est vraiment à partir du moment où il y a le personnage de Julia, le personnage de Mika devient plus du tout intéressant parce que c'est juste une femme jalouse. Trop dommage. Et tu fais bon, bah, c'est raté. Parce que sinon, c'était intéressant justement que les deux. Moi, j'espérais un truc où il y avait vraiment que Jack et Vika du début à la fin, quoi. Oui, moi aussi. Et tu te dis, et après, tu bricoles autour de ça, voire. Et là, tu retombes sur des films genre Solaris ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, oui, oui. Parce que tu as des références comme ça aussi, un peu, tu vois. Ou que même Vika, elle parte avec Julia et Tom, tu vois, et qui décide de survivre à trois et de trouver le. Tu vois, qu'en peut-être, il peut avoir des relations plus intéressantes que juste l'histoire d'amour débile. Ah oui, non, ça nique tout, hein, ça, c'est clair. Ou Julia, la pauvre, en plus, elle veut se sacrifier, en plus, elle peut même pas parce que. Et en plus, après, elle se retrouve avec les clones. Mais c'est horrible, en fait. Alors, ça, c'est pareil, c'est la gestion du clone, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est tous les clones, tu peux les aimer pareil parce qu'ils sont tous pas. Enfin, c'est très bizarre, ça aussi. C'est chelou, quand même. Ils ont une mémoire commune, finalement, les clones. Plus ou moins. Puisque là, le clone 49, celui qu'on voit du début à la fin, il se rappelle de Julia, etc. Donc, alors qu'il ne l'a jamais connu, puisque c'est un clone. Mais donc, ça veut dire que tous les clones ont ces souvenirs-là en commun. Et ils ont une âme commune, ouais, on va mais dire. Bon. Et en même temps, les clones 49, il dit à Julia, je ne suis pas, Je suis pas Jack Harper. Du coup, je ne sais pas trop. Et qu'elle dit oui. Tu l'es, elle dit oui, tu l'es. Mais t'es passé au 49 à 52, ça qu'elle est 52, tu poses la moindre question. C'est quand même chaud. C'est pareil, le 52. Ah, bah oui, lui aussi. Ouais, c'est... bah ouais. Mais attends, c'est trop bien en fait. Mais mon mec, s'il meurt, à chaque fois, j'en ai un nouveau. Ah, mais c'est horrible. Pratique. Ça, c'est des années de psychothérapie avec. Sky Lannister qui dit non, mais bon, quand même. Bon, lui, putain, personnage de merde. Hein. Inutile, pauvre Lannister. C'est juste le mec qui est un peu méfiant. Ok. Super. Oui, mais qui fait. Et qu'à un moment, il lui donne la reconnaissance quand même. Quand il lui donne la main, mais bon, oui, mais... détail. Mais même Morgan Freeman. Ah, c'est réalité, nul aussi. Mais Morgan Freeman, il faut arrêter. Il faut arrêter de se dire on va mettre Morgan Freeman juste pour avoir un mec charismatique. Et comme ça, ça nous fait un noir au casting aussi, c'est bien. Ouais, ça fait un chef. Oh là là, c'est nul. Mais c'est Morpheus dans Matrix, quoi. Oui, voilà, un noir charismatique avec des lunettes. Des lunettes de soleil, c'est... ouais, c'est vrai. C'est, vrai, c'est fou, hein, y a de la repompe de partout, quoi. Et en plus, ça fait même un peu film annonciateur de Edge of Tomorrow, dans le truc les clones et les machins. Mais, mais Edge pour of la peine, Tomorrow, c'est pas le même traitement, ouais, tu vois. Ouais, c'est vachement mieux. Oui, mais parce que Edge of Tomorrow, on en reparlera dans deux semaines, mais ouais. C'est pas le film qui s'éparpille sur 20 000 concepts non, qui ensuite clair. Essaie de les faire recoller. C'est il en clair. A un, il va au bout, après t'aimes pas, mais tu vois, mais là, ça fait vraiment ça, on a pioché sur plein de trucs. Ouais. Et chose très particulière, Joseph Kosinski, donc le réalisateur d'Oblivion, oui. Qui a aussi réalisé Top Gun Maverick des années What après. Qui est vraiment un metteur en scène. Et ouf. Celui qui avait fait Tron l'héritage. Ouais. Il avait été repéré pour ça. Et après, c'est un metteur en scène, quoi, vraiment. Et il a fait pas mal de pubs, dont notamment une pub hyper bien réalisée, c'est très très drôle, ça s'appelle Web of Fries, je crois. Qui doit être pour Taco Bell ou un truc comme ça. D'accord, je connais pas. Il a fait des pubs de jeux vidéo, enfin des trucs. J'ai regardé du coup un peu par curiosité comment ouais, ce mec il était arrivé, tu vois. Il a fait des écoles d'archi, de design, etc. D'où le fait qu'il aime la géométrie. Ah, c'est pour ça les tétas. Ah ouais. Et après il travaillait dans les trucs 3D et tout ça. D'où Tron, l'héritage, etc. Ouais, d'accord. Il a été repéré comme ça, donc c'est vraiment un pur metteur en scène. Et Joseph Kosinski, il avait avant tout ça écrit une bande dessinée qui s'appelle Oblivion. Non. Et cette bande dessinée, les droits ont été rachetés et adaptés. Et pour faire ce film. Et il a été choisi lui-même pour adapter sa bande dessinée. Ah, du coup, c'est un dessinateur. C'est un auteur. Un auteur. Un scénariste. C'est fou. Waouh. Ah ouais, ça, c'est fou. Donc après, tu te dis, bon, ça se trouve, en fait, cette bande dessinée, il l'a écrit, il avait 15 ans après avoir vu plein de films ouais, de SF. C'est ça, il a copié. Okay, sauf que là, mec, t'as 30 ans, tu vois. C'est... Ah ouais, c'est chaud, ouais. Mais c'est rigolo quand même. Ah ouais, c'est fou. Mais d'ailleurs, quand t'as dit Top Gun, en réalité, je savais vraiment pas, tu me l'as dit juste avant de commencer, mais c'est vrai que dans les images oui. aériennes, on le voit un peu. Mais il, voilà, sur c'est la ça. Terre et tout, c'est un mec ouf. Qui a une qualité de mise en scène quand même. Tu dis effectivement, il a une envie de montrer du paysage, des trucs. Enfin, c'est plutôt beau et ouais. ça, je dis pourquoi pas sur la mise en scène. Oui, oui, ça c'est pas mal. La mise en scène de paysage et tout ça, enfin, il a un truc. Après, scénario, tout ça, ça raconte pas. C'est pas ouf, hein, comme on dit. Ouais. Mais il y a un truc qui te met tour l'opine, mais oui. peut-être tu saurais. Peut-être c'est une anecdote que tu sais. Tu sais, il y a un petit technicien 49, il y a un petit bonhomme avec la tête oui. qui bouge. Que moi, j'ai pensé que c'était Elvis. Ouais, pour moi aussi, c'est Elvis. Mais... Et lui, il lui dit Bob. Oui. C'est pour représenter le fait qu'il a eu la mémoire effacée ou, ah. ou c'est que c'est pas Elvis? Ah, je sais pas. Ah, ouais. Je sais pas J'aurais du tout. Non, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il prend des reliques de plein. Il prend un King Kong un peu luche. Il prend plein de trucs. Ah oui. Ça, je sais pas. Est-ce qu'il l'a récupéré, mais il sait pas que c'est Elvis? Bah, je pense, parce qu'il a pas de mémoire du passé. Et oui. Oui, il y a que quand il lit des trucs. Ou ouais. Sur le Super Bowl, il a dû lire un article sur ça. Enfin. Ouais. Oui. Ouais, bon, bref. Non, donc j'ai pas d'anecdote sur Bob. D'accord, pas, dommage. J'ai trop d'anecdotes. j'ai juste vu que le groupe qui fait la bande originale du film s'appelle M83. Et encore c'est un groupe. ouais, c'est fatigant. Et c'est un groupe français, ils sont d'Antibes. Voilà. Ah oh. C'est pas. Bah, la musique. Alors, moi, j'avoue qu'à la fin, je commence à en avoir marre. Un ouais, peu. Les trucs un peu trop épiques, c'était un peu chiant. Ouais, et puis là, j'ai un peu. C'est pareil, la musique, t'as l'impression d'avoir déjà entendu. Cette manière de faire de la musique de films de SF des tonnes de fois, tu vois. Bah. Alors bon, ça se trouve, ils ont fait d'autres trucs de SF, je sais pas, mais voilà. Ouais, je comprends. Le film a été tourné notamment en Islande, donc effectivement, on a des plans qui sont jolis quand c'est même. C'est joli, bah, les montagnes sont les trop montagnes, belles. Les montagnes, c'est beau. Ouais. Le petit chalet là en bord de lac, qu'on dirait le Jura, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Mais non, après, pas trop d'anecdotes. J'ai pas grand chose moi sur ce film. Oh, c'est pas grave. C'est du pas... coup, par contre, j'ai des trucs, c'est les Oscars. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Eh oui, les Oscars. Eh oui. Eh oui. Alors, ce film n'a pas eu d'Oscar. Ah je bon te rassure. Étonnant. Enfin, je te rassure. Meilleure mais par contre, il y a actrice, non quatre personnes. Ouais. Meilleure écriture de rôle de féminin encore. Ouais. Ça, tu vois, c'est un film Marilyn, elle aurait pas. Ah non, non, je pense que là, mort, elle aurait explosé, tu vois. Mais c'est pour ça, nous, on a tellement des visions plus larges, on a tellement tout vu qu'on peut accepter. On accepte plus certaines choses. On a une souplesse sur certaines choses, c'est vrai. Du coup, des Oscars, il y a quatre personnes dans l'équipe du film qui ont eu des Oscars. Bah, Morgan Freeman a eu un Oscar pour Million Dollar Baby. Bah ouais. Il n'en a eu qu'un. Plus quatre nominations, quand même. Alors après, qu'est-ce que photo. Tu veux photo, tout à fait. Claudio Miranda, un Chilien, qui a eu un Oscar pour Life of Pi. L'Odyssée de Pi. Ah, je n'ai pas vu, mais ma mère, elle adore ce film. Eh ben non. Voilà. Comme ça. Ça fait deux. Il t'en manque deux encore. Non. Ah, si, costume, genre non. Accessoire. Ah, peut-être, j'ai pas fait gaffe, costume, accessoire, mais là, non. Attends, les drones des ouf. Oui, non, mais machin. Sûrement, mais j'ai pas tout. Ah ouais, pardon. J'en pardon, ai trouvé pardon, quatre pardon. Déjà. Et trois, quelqu'un d'inconnu, genre un acteur. Non, là, ça devient connu. Non, vas-y, dis-moi. Alors, il y a Mélissa Léo qui joue le rôle de Sally. Ah ouais, qui a déjà eu un Oscar. Elle était second rôle dans The Fighter de David O. Russell avec Christian Bale. Et ah, Mark j'ai Wahlberg. Pas vu celui-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Et ben voilà, comme quoi. Bah ouais. T'es une super actrice qui a eu un Oscar pour où en fait tu passes ta vie dans une toute petite vignette sur toutes les scènes, on te voit jamais. Oh, c'est nul. Et le dernier, il va te faire plaisir parce que c'est un scénariste. C'est le dernier scénariste qui a bossé parce qu'en fait il y a eu le script de Kosinski de base plus la réécriture. Et la dernière réécriture, c'est Michael Arndt qui l'a fait. Arndt. Et lui, donc il a déjà eu un Oscar. Ouais. Et pourquoi a-t-il eu un Oscar? Un Oscar du scénario. Pour un film que tu aimes beaucoup. Oh mon Dieu! Oh là là! Ah ouais, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah ouais, mais qui est bien, qui est vraiment bien. Oui, qui est bien, ouais. Plutôt un réalisateur français non, ou. Non, plutôt américain, indépendant, qui est sorti dans les années 2000. Oh là là, je sais pas. Avec... je veux pas dire de bêtises. Merde, je sais pas. C'est avec une histoire d'une famille dans un van. Oh, Little Miss Sunshine. Voilà. Waouh. C'est le scénariste de Little Miss Sunshine. Et il a fait cette bouse avant. Il a fait ce qu'il a pu. Ouais, on lui a donné le machin et il s'est démerdé. Oh, voilà. Je l'adore. Donc Michael Hunt. Ah bravo, si Michael. Je veux savoir. Ah, trop bien. Les sous-sous. Ça a coûté cher, ça a coûté pas cher ? Si, je pense que ça a coûté bon 60 millions. Eh ben, dis-toi que ça coûte le double, ça coûte 120 millions. 120 millions. Ça coûte 2 Jack Reacher. Ah là là, la honte. Tom Cruise, un cachet de 20 millions. Moins que Jack Reacher. Moins que Jack Reacher. Et ça a rapporté des sous ? Bah, 286 millions quand même. Quand même. Et oui. Là, le double, quoi. Ouais. Du coup, on est sur 2,3. C'est ouf. Efficient. On arrive à un moment où on ne sait plus pourquoi un film porte des sous ou pas. On comprend. Bah là, on après, si, il y a un truc quand même qui s'appelle Tom Cruise. Oui, qui oui. fait que non, tu mets Tom Cruise sur une affiche, ton film, ça remporte la mise. Là, je regardais la dernière fois qu'il y a eu un film qui n'a pas marché avec Tom Cruise, c'est Rock Forever, là, Rock of Ages. Et c'était déjà une exception. Et là, maintenant, c'est fini. Hein. Là, tous les films, c'est au moins le double. Hein. Tu peux doubler systématiquement. Oui, c'est Donc, voilà. C'est fou. Donc, Tom Cruise, dans ce film, qu'est-ce qu'on en dit ? Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Eh oui. Not good. Not good. Not this team is not good. Je sais pas. Non, bah, par absurde, je déteste plus ces films que Jack Reacher, mais je préfère Tom Cruise dans ce rôle que dans Jack Reacher. Il y a un truc un peu plus qui colle mieux. Ouais, un peu moins. Je suis les rois du monde. Et un peu plus humble, même si à la fin, il y a les commandants du monde. J'allais te dire, pour moi, on est encore sur un truc où il y a deux films. Enfin, t'as la première moitié du film, moi, je suis tout à fait d'accord. Il fait le mec, voilà, c'est le mécano. Et puis en même temps, il s'ébahit de plein de choses. Tu vois que c'est pas un super soldat, il est quand même un peu... Il fait le truc, donc c'est chouette. Et après, par contre, c'est en full sauveur du monde, quoi. À partir du moment où on sait qu'il est commandant astronaute, machin, il devient... Et là, Là, c'est dommage. Et même dans l'écriture, c'est là que le personnage devient hyper faible. Oui, complètement. Et que même, en fait, le fait de se jeter avec la bombe et tout ça, tu dis, mais non, en fait, ça ne doit pas se faire comme ça, quoi. Ouais. Tu ne vas pas te sacrifier. Bon, t'es un clone, certes, mais... Et du coup, figure-toi que c'est le film où Tom Cruise tue le plus de personnes de toute sa filmographie. Ah, sérieux ? Bah, d'après ce que j'ai trouvé... Mais tu pas tant que ça ici. Bah, en fait, je pense... Moi, j'ai le compte, le body count, 95. Il tue 95 personnes. Plus les clones. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que c'est les clones qu'ils ont compté. Parce que 95, il tue jamais 95 personnes. Bah, les chacals, peut-être. Ouais, les chacals, ils n'en tuent pas. Bah, si. Ou peut-être un ou deux. Non, mais si, ça doit être des drones. Morts du tête. Moi, je pense que c'est ça. C'est dans le tête. Ils ont calculé à la louche. Ils ont dit 1, 2, 3. Ouais, carrément. Et du coup, voilà. Et c'est c'est de très loin le film où il tue le plus de monde. Mais impossible, c'est tu lui et tu Morgan Freeman. Morgan Freeman, il tue la Sally. Enfin, ouais, Sally, entre guillemets. Je pense qu'on peut arriver, voilà. Donc c'est le film où techniquement il tue le plus de monde. C'est marrant. Mais Sally, moi je pense que c'est juste elle n'est pas. Ah oui, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. Ouais, voilà. La vraie, elle est sur leur planète. Elle est morte. Il a tué un Tokiwoki, quoi. Oui, voilà. Parce que dessus, t'es beaucoup moins. Un Siri, il a tué Siri, quoi. Ouais, c'est ça. Salut Siri. Intéressant. Voilà. J'ai vu ça comme. C'est une des anecdotes que j'ai vues. J'ai fait, tiens, d'accord, c'est marrant. Mais bon, ça a du sens. Pas foufou, quoi. Donc, Tom Cruise, c'est un peu ratage sur la science-fiction, alors que jusqu'ici, on était sur du carton plein, quand même. Et c'est vrai que. En attendant, avec Grand Envie et Edge of Tomorrow, que j'aime beaucoup, je m'attendais quand même à un truc un peu bien. Je me disais, vas-y, science-fiction, là, il n'a pas trop raté des coups, ça va être plutôt pas mal, en fait. Non. Et déjà, je pense que malheureusement, dans les scénarios, tu as quand même les premiers, à l'inverse de Jack Reacher, tu vois, les réalisateurs, il y a les premiers 12 minutes, c'est que du blabla. Ouais, ça, c'est une vraie cata. Hein. C'est la cata. Ouais, puis c'est vraiment, on va tout vous expliquer. Avant de démarrer, parce que c'est pas du tout comment on pourrait le faire au niveau filmique, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, Julia pour raconter la vérité, là, elle raconte elle aussi. Pareil. Ah oui, non, là c'est. Mais apparemment, c'était un film où ils avaient trois. Le premier montage, ça faisait 3 heures pour justement bien poser tous les trucs. Ils ont dû dire, allez, on sabre, on explique. Ils ont dû tourner tout ce qu'il fallait, mais après faire des choix. Et du coup, oui, c'est un peu... C'est pas ouf, quoi. Bon, toi, tu... pas plus. T'as pas plus. Oh non, moi, je te dis, pour moi, il y a la première partie, à la rigueur, le personnage et tout, et la performance, j'aime bien. Après, la deuxième partie, ça devient... Mais pour tout, hein. Pour moi, en gros, vraiment le début, je dis, ok, je peux accepter, allons-y, on va voir où ça va. Mais la deuxième, c'est vraiment résolution sur résolution de trucs où on a déjà vu, et puis c'est là où ça s'empêtre, quoi. Yep. Promesse non tenue. Non, mal. mal, est-ce que ça va être mal, c'est le cruzomètre ? Oui, ça va être... C'est l'heure du cruzomètre. Et oui, cruzomètre. Et oui. Alors Serena, cruzomètre, note de 0 à 100, où il faut placer tout ça... En fait, je ne le trouve pas aussi horrible que genre Dernier Samouraï, Valkyrie, tout ça. Mais bon, c'est vraiment pas bien, quoi. J'ai envie de dire genre 20%. Ah, 20, bah oui, c'est bien, 20. Bah, ouais, un truc comme ça. Parce que... Un peu à la louche. En réalité, je pense que selon les jours, je pourrais mettre 3% à 20%. Mais bon, c'est pas... Ils s'en sortent... Oui, après. Il y a un truc. Après, c'est pas énorme pour sa carrière, je trouve. Non, ça reste. Ça fait partie de ces paquets de films un peu anecdotiques de la carrière, tu vois. Okay, peut-être ça le nuit aussi un peu parce qu'il est pas. Il fait toujours les mêmes, un peu. Ouais. Du coup, ça le nique un peu entre. S'il avait évité de faire ça, je veux dire, ça aurait été bien. Mais il aurait peut-être pas fait Maverick avec. Eh oui! Kosinski. Moi, tu vois, je cherchais un peu et dans mes classements et je cherchais et je voulais le mettre aux alentours, tu vois, de Horizon lointain, dans le genre film un peu anecdotique, à marcher mais sans plus. Mais vachement plus meilleur Horizon lointain. Oui, oui, mais j'étais dans ces eaux-là et puis après je voyais qu'après il y avait Jerry Maguire. Je me disais à peu près dans ces peu près. Le rapport à la meuf, c'est à peu près... On est à peu près sur ça. Ouais, c'est vrai. Et après, en dessous, j'ai Rock of Ages. Donc, je me disais, c'est quand même... Même si la performance de Tom Cruise dans Rock of Ages me fait beaucoup plus rêver. Moi aussi, je pense que je vais me mettre peut-être juste en dessous de Rock of Ages, du coup. Ouais, carrément. Juste pour dire, c'est pas ouf. Donc, je vais aller à 33%, tiens. 33. Ah, tiens. Voilà. Et les Rotten Tomatoes. Alors, les Rotten Tomatoes, c'est 53%. Ah! C'est correct. Ah ouais, quand même, si. Suffisamment dans la moyenne. Non, mais bah oui, et en plus, c'est Rotten Tomatoes, ils ont fait... en gros, ils disent, c'est pas très original, mais ça va. Vraiment, tu lis des trucs, tu fais... Ok. Oh, bon, ça se regarde. Bah, ouais, c'est un peu ça. Il y en a qui disent oui, il y a des plans jolis. Mais en gros, ça reste oubliable, je pense. Non, mais complètement. Complètement. Donc, Rotten Tomatoes dit 53%. Bon. Allociné, les spectateurs, 3,6%. Là, je trouve ça beaucoup, par contre. What? Mais c'est autant, c'est quasiment, vous faites c'est quasiment autant que Jack Reacher, hein, quand même. Non, mais de toute façon, Allociné... Peut-être que sous Oblion, il y a trois personnes qui ont voté. Non, il y a du monde. Il y a du monde. Merde. Et voilà. D'accord. Donc 3,6 pour Allociné, 53 pour Rotten Tomatoes et 26,5 pour nous. Voilà. On n'est pas très. Bah non, mais on ne vibre pas. C'est après, chiant, c'est après, c'est pas le film qui va le desservir complètement, mais ça ne va pas le servir non plus. Non. Ça... Bon, anecdotique moins, comme on dit. Ceci dit, je crois que j'ai une question. Non, j'ai pas de question. Pas de question. Non, pas de rubrique pour la question. Bon, rien. Non, je ne suis même pas improvisé. Oh, je suis déçu. On est déçu. Parce qu'on a un jingle, sinon. Oh, c'est dommage, ça. Ah bah oui. Bon, tu vois, j'ai pas de question. Tant pis. Non, là, ça m'a... Et ce film m'a tellement mis en... Il se passe rien que... Ah, c'est... si, moi, j'ai une question. T'as une question. Alors, attends, je vais mettre le jingle. Why is Tom Cruise always Cruise? Why is Tom Cruise can always Tom Cruise Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise can Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter. Tom Cruise did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Oui, pas avoir passé 3 jours à faire un jingle, hein. C'était une mais question. Mais en plus, c'est même quoi. Pas une question sur Tom Cruise, mais c'est une question autour du film. Alors, j'aime bien le Mary Kill Fuck. tu vois le... Le quoi? Le, aux États-Unis, on fait... Mais même en France, c'est juste que je ne sais pas comment on dit en français. Marry, kill et fuck. Ah oui, je, qui tu épouses, qui tu tues et qui tu baises. Alors, je voulais te proposer entre Julia, Vika et Sally. Marry, kill, fuck. Oh là. Moi, j'aurais tendance à dire kill les trois parce que les pauvres... Mais non, tu dois forcément choisir, c'est ça qui est difficile. Marry, kill, fuck entre... Oh là, ouais. Bah, on va dire qu'il faut marier Sally parce qu'elle a une planète et puis elle a du matos. C'est le meilleur parti, en vrai, c'est le meilleur parti. Après, en plus, je pense en plus baiser Sally, sachant que c'est un cube, ah, je suis pas sûr que ce soit terrible. Et pourquoi pas kill Sally? Ouais, est-ce que c'est un peu trop attendu? Tu vas tuer Sally et tu vas sauver les humains. Donc tu vas marier Sally. Ok, et tu kills qui entre Julia et Vika? Bah, moi, j'aurais tendance à kill Vika pour la libérer, la pauvre, parce que c'est juste c'est enfer, sa vie. Et fuck Julia, mais bon, sans conviction de ouf. C'est vraiment... Moi aussi, après, elle est... Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vraiment... Ouais, en fait, je sauve Vika en la tuant. J'épouse Sally... Pour dominer le monde et puis pour le pognon, clairement, c'est pour le pognon. En plus, en même temps, Sally, elle peut te contrôler avec ses drones. Putain, c'est oui, mais si tu l'as épousée, c'est qu'a priori, t'es d'accord. Et puis, tu vois, oui, c'est vrai, tu peux être dominateur du monde. C'est pas mal. Tiens, on va essayer ça. C'est pas mal, nouvelle rubrique, pas mal. Merci, kill fuck. Bon. Très bien. Non, mais ça se tente, c'est bien. Recommandation? Alors. Allez, vas-y. Non, j'ai pas vraiment trouvé. Je n'ai pas trop de recommandations Alien. C'est vraiment le film qui nous a mis à sec. Ça m'a un peu démonté. Mais j'ai pensé quand même, ça vaut toujours les coups de, si on parle film d'Alien, de revoir un bon coup E.T. Ah oui. Parce que je sais pas si on l'a déjà conseillé, mais je pense pas. Et surtout. Alien. Alien, bien. En fait, un Alien. Qui existe, qui est vraiment graphiquement pas horrible, qui ont réussi les paris à mon sens, et une magnifique scène sur la lune avec les vélos et la lune qui est derrière, qui a pas explosé. Du coup, petit parallèle très court, mais voilà. Ouais. Et number two, pareil, c'est deux recommandations dont je suis pas très contente, mais bon, ça fait toujours du bien. Terminator. Ah oui. En termes de drone qui tue tout avec la vision et le 1 ou le 2? Les deux, moi j'ai pas encore vu. J'ai bien de voir les 1 pour la première fois. Ah ben non, mais là, et le les deux, voilà, je pense que les deux est vachement mieux. Ah ouais. Voilà. Le 1. Mais les 1, t'as quand même ces trucs comme les drones, justement, du film où il s'est dit, machin truc. Dans le 2, t'en as encore plus, quoi. Ouais, je vais voir les deux. Non, 2. Donc, 2. Bravo. Voilà. Super. And you. Et moi, à part regarder les... Si, comme recommandation, regarder les pubs réalisées par Kosinski. Ça, c'est pas mal, ouais. Regarder John Carter. Ça, je l'ai déjà... Mais j'ai pas encore vu. Je l'ai en plus. Et sinon, une bande dessinée qui s'appelle Préférence Système, qui est écrite et dessinée par Hugo Bienvenu, un auteur français, je crois. Okay. Et c'est sur... ça raconte l'histoire des souvenirs de l'humanité. Ah ouais, ça intéresse. En fait, il arrive à un moment... dans le futur où il y a trop de données et donc il faut faire un tri dans les souvenirs et dans ce qu'on garde comme souvenir de l'humanité et il faut supprimer des choses et il y a un des employés qui Des robots les employés? Non, c'est des humains les employés qui doivent trier les souvenirs et il y a un des employés, les souvenirs au lieu de les supprimer il les ramène chez lui et les incorpore à son robot ménager. Ah voilà, c'est ça. Oui, en plus c'est un robot qui porte son enfant. Et donc ce robot va se retrouver avec tout un tas de souvenirs de l'humanité qui sont censés être effacés. Et après, il va se passer plein de choses, etc. Et c'est vraiment fantastique. Enfin, toutes les BD du Hugo Bienvenu sont vraiment bien. Et voilà, Préférence Système, ça a un peu un lien, du coup, quand même. Avec clairement. Tu vois. Très, très bien, très bien. En plus, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est vachement bien, ça. Et puis, c'est très beau aussi. Bravo, Hugo. Bravo, merci. Et salut, Hugo. Salut, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux. Ah si, il y a quand même un truc cool dans ce film, c'est qu'il y a Led Zeppelin. Ah ouais. Bon, bah, il a des vinyles, les vinyles ne sont pas trop mal, quoi. Oui, oui. Si, pour eux, c'est cool, ils ont forcément un Chekos, hein, tu sais. Ah ouais, tu penses? Bah, oui. Oui, mais bon, ta musique est dans un film de merde. Parce que je pense que tu t'en fous. T'es Led Zeppelin, tu t'en fous. Hein. Ouais, peut-être. Tu vois. C'est la fin de notre épisode numéro 35. On se retrouve dans deux semaines pour le numéro 36, du coup. Bah, puisqu'on oui. va pas faire. Et plus 35, c'est une belle pierre milliard. Je sais pas comment on dit, mais c'est un bon. Un bon traguardo. Ah ben alors, il n'y a plus aucun mot qui vient. C'est bien d'être arrivé au 35. Eh oui, c'est pas mal. C'est un bon numéro. C'est pas fini. On se retrouve du coup dans deux semaines pour le film Edge of Tomorrow. Yahoo! Tout à fait. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur notre site internet cruisecontrol.card.co. Card avec deux R, évidemment. Oui. Vous pouvez aller sur PodCloud, il y a un catalogue avec plein de podcasts qui sont très très bien. Et oui. Si vous cherchez un endroit pour héberger votre podcast, allez chez PodCloud. Sinon, vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs, des pouces partout où vous nous voyez. Ouais. Si vous nous voyez dans la rue, vous faites pareil, vous nous mettez des étoiles, des pouces, des cœurs. D'amour. Ou on peut aller boire une bière aussi, hein, c'est possible. Et puis bah, voilà. Qu'est-ce que rien de plus à se dire? Non, hein. Ce n'est des bisous. Des bisous. The time has come to be gone. And though I held sweet drink a thousand times, it's time to ramble on. Mm-hmm.